Le printemps est enfin arrivé et pour vous préparer pour la belle saison, le magasin Canadian Tire est fin prêt. Que ce soit pour les articles de piscine, tondeuse ou le centre du jardin qui ouvrira très bientôt, le magasin Canadian Tire a tout ce qu'il vous faut. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, à Dolbeau-Mistassini. CanadianTire.ca. Le magasin Canadian Tire tient à souligner le mois de l'arbre et de la forêt. La forêt, un des moteurs économiques de notre secteur. Contre toute attente, les Golden Knights de Las Vegas, l'équipe d'expansion, ont remporté hier la série contre les Sharks de San Jose. Là, ils attendent évidemment les vainqueurs de la série entre les Jets de Winnipeg et également les Predators de Nashville. Le sixième match aura lieu ce soir à Winnipeg. On va parler avec l'analyste des matchs à la télévision des Knights de Vegas, Éric Lacroix. Salut Éric! Ouais, ça va bien. Oui, ça va bien, Éric. On va faire un peu le bilan de la saison, vu que c'est la première fois que je te parle. Dans le fond, là, si on se rappelle en début de saison, si je t'aurais dit les Golden Knights de Vegas vont être en finale de conférence, qu'est-ce que tu m'aurais dit? Bah, je pense pas que personne t'aurait cru. Je vais être avec toi. Tu peux demander même chose à Gérard Gallant ou George McPhee, gérant général. Écoute, personne savait à quoi s'attendre, dans le fond. Tu sais, c'était nouveau. On se cachera pas que c'est des nouveaux règlements d'expansion aussi. C'est pas les mêmes règlements, tu sais, comme, mettons, Columbus, puis Minnesota, puis toutes ces équipes-là avaient eu, dans le fond, au début des années 2000, là. C'est différent un petit peu. Alors, mais c'est quand même un club d'expansion. C'est quand même des joueurs que, tu sais, je veux pas prendre le mot rejeté, mais tu sais, qui avaient été dans le fond, pas protégé pour une raison ou une autre, que ce soit un gars comme Marc-André qui est, dans le fond, c'était le choix à faire. Si Pittsburgh, il ferait la même chose aujourd'hui. Ah ouais, c'est clair. Ils ont gardé le gardien jeune, c'est normal. Et puis je pense que Marc-André s'en attendait, il savait. Ou bien que ce soit un gars comme Jonathan Marchessault, que ça c'était quand même difficile quand même à regarder. T'sais, moi, je m'attendais qu'un gars comme ça soit protégé, mais c'est pas moi le gérant général en Floride. Là. Puis, t'as des gars comme William Carson. Qui c'est qui s'attendait qu'il allait avoir 45 buts? Ça veut dire, c'est pas... Fait que c'est un petit peu, dans le fond, un mixed bag, ils disent en anglais, de n'importe quel joueur. Dans le fond, mais ils ont tous la même chose. Ils ont beaucoup de vitesse, puis ils ont tous du caractère. Okay. Alors, George McPhee, c'était ça son plan. Il voulait avoir des gars de caractère. Fait que regarder un gars comme Pierre-Édouard Bellemare, il fait une job extraordinaire. Tu sais, c'est pas un gars qui va compter 30 buts, c'est 20 buts, mais c'est un gars quand même qui amène du leadership dans la chambre. Ouais. Puis, le but, c'était d'amener de la vitesse. C'était Eric Harlow au centre, un marqueur de 30 buts. Ouais. Écoute, ils ont signé ça comme agent libre à 2,5 par année. Alors, ils ont fait beaucoup de coups qui ont marché, qui ont fonctionné. Et puis, faut pas oublier non plus, tu sais, la tragédie avait beaucoup à faire avec ça, tu sais, dans le fond, le regroupement. C'est 5 jours avant que la saison commence, cette tragédie est arrivée. Alors, les gars se sont retrouvés, tu sais, les gars comme Derek Englund, ils ont voulu faire partie de la communauté. Ils se sont tous levés debout. Puis, ils ont dit, écoute, on va faire notre job ici dans la ville. Mais c'est ça qui arrive quand t'as du monde avec du bon caractère. Alors, ils ont été fantastiques. Et puis, les coachs, le GM, le propriétaire, tout le monde s'est entouré vers ça. Puis, les fans, dans le fond, il n'y avait jamais eu une équipe de hockey à Vegas. Hein? Alors, pas juste ça. Une équipe sportive, je parle des sports professionnels majeurs. Là. Il y avait eu des choses mineures, mais jamais majeures. Alors, le monde se sont reliés en arrière de ça, puis c'est le propre équipe. Puis, écoute, m'a dit, ben, franchement, avec toi, l'atmosphère est incroyable depuis le début, puis c'est encore pire, dans le fond, dans les séries éliminatoires, parce qu'on sait tout le temps que ça monte d'un cran, puis c'est sûr que les amateurs, ils ont levé le cran aussi. Qu'est-ce qui a fait le déclic de William Carlson? Est-ce que c'est... Parce que c'est un joueur qui était rejeté. Là. Écoute, il a marqué 43 buts. C'est incroyable. Là. C'est-tu la confiance de Gérard? Parce que moi, je dis souvent, tu sais, je parle avec des gens, puis on me dit que souvent, là, c'est la confiance de l'entraîneur qui a envers ce joueur qui peut faire le déclic. Est-ce que c'est ça qui est arrivé dans le cas de William Carlson? Absolument. Absolument. Je vais dire, ben, franchement, William, c'est un gars qui a commencé avec MM, puis c'est un gars... c'est un gars typique, un Suédois. Tu sais, dans le fond, tous les Suédois, d'habitude, sont bons les 200 pieds de la patinoire. Tu sais, sont bons dans la défensive, sont bons dans la zone neutre. Sont quand même bons. Ils ont quand même des skills, tu sais, pour pouvoir marquer des buts. Mais il s'est ramassé à Nîmes où ce qu'il y avait plus un genre de quatrième trio, tu sais, au centre, puis tuer des punitions. Après ça, il s'est ramassé à Columbus, puis la même chose était demandée de lui. Il y avait d'autres personnes, dans le fond, qui appellent ça dans le top six, right? Les deux premières lignes. Il n'y avait pas de place pour lui. Fait qu'il s'est ramassé dans une place comme Las Vegas. On parle d'opportunité. Il faut que tu fasses quand même tout ce que tu peux avec l'opportunité que tu vas avoir. Puis je pense que c'est ça que Gérard lui a accordé, Gérard Gallant. Tous les gars sont là, que ce soit Marchessault, ils diraient tous la même chose. Les gars, ils jouent avec la confiance parce qu'ils n'ont pas peur de faire des erreurs. Okay. Alors, t'as un gars comme Carson, c'est un excellent joueur de hockey, mais il n'a jamais été mis dans une position, dans le fond, de pouvoir être un gars de deux premières lignes pour mettre des points puis être sur l'attaque à 5. C'est un gars, il a tout le temps été dans le fond là, sur le piqué, dans les situations défensives. Puis là, écoute, ils l'ont mis au centre, ça a comme été dans la première semaine. Il l'avait mis à l'aile au début. Et puis, à un moment donné, d'après moi, ça va être la game 3, 4, 5, là. Il s'est ramassé au centre avec Marchessault puis Smith. Puis, écoute, moi, ben, Franck-toi, là, ils ont été, tous les soirs, ils jouent contre les meilleurs défenseurs de l'autre équipe, ils jouent contre les meilleures lignes. Puis, Carlson est fini à plus 49. Hey. Donc, Larry Smith, il a fini à plus, pas loin de plus 40, même affaire pour Jonathan. Puis, Riley Smith, il a manqué, dans le fond, les 15 derniers matchs, parce que il a arrêté pas loin du plus 50, lui, ici, là. Okay. Fait que c'est des gars qui, je sais pas si tu regardes la série, là, la dernière série contre San Jose, ce ligne-là était fantastique. Puis, tu sais, ils ont joué contre Vlasic, qui est extraordinaire à San Jose à défense. Ils ont joué contre Burns. Tu sais, écoute, ils ont joué contre des joueurs quand même impeccables, des stars dans la Ligue nationale, puis eux autres qui ont volé le show, dans le fond. OK. Éric, parle-moi un peu également de Marc-André Fleury. Moi, j'ai fait à la blague l'autre fois sur les médias sociaux, j'ai fait un sondage Price ou Marc-André Fleury, puis je vais te dire en affaire, le monde, il allait pas mal plus pour Marc-André. Est-ce que c'est le leadership que Marc-André Fleury apporte à cette équipe-là, hein? Incroyable. Il faut être bien franc. Toi, tu sais, dans le fond, pas manquer un match cette année avec le job que j'ai à faire, là, mais... c'est un gars, à chaque matin, il est là à la pratique, puis il a un gros sourire, puis il a du temps pour tous ses coéquipiers, il a du temps pour n'importe qui sur la patinoire, les fans autour de... c'est fou un petit peu les pratiques, là, je vois bien franc toi, c'est bien plein, hein, sa capacité, les pratiques, fait que les amateurs sont partout, il a tout le temps, tu sais, le gros sourire, puis c'est rendu que c'est... Dans le fond, c'est un rub-off en anglais qui dit, c'est sur ses coéquipiers. Puis, c'est un gars qui a déjà été là, mais 4 fois en finale de la Coupe Stanley. C'est pas sa première fois. Non, c'est un gagnant. Mais c'est un gars qui est athlétique, tu sais, c'est un gagnant. Hein? C'est un gars qui a du talent. Écoute, t'es pas le premier choix de la draft, sans avoir de talent. Mais c'est qu'est-ce que tu fais avec ton talent, dans le fond. Son attitude est impeccable. Écoute, c'est un guerrier, comme ils disent, hein. C'est un travaillant. Il travaille à chaque lancer des pratiques. À chaque lancé sur dans les matchs, c'est un gars qui écoute en anglais comme ils disent, the hardest working guy. Il y a pas personne qui travaille plus fort que lui dans les entraînements, puis dans les matchs, puis les joueurs, écoute, ils se disent, hey, c'est un gars qui est dans le fond, c'est un all-star dans la Ligue nationale. Puis écoute, il est dans la zone en ce moment. Je me le dis franc, toi, toute l'année, il a été fantastique. Puis dans les séries éliminatoires en ce moment, il est vraiment, on va dire un autre terme anglais encore là, mais il est vraiment lights out. Il est vraiment bien sharp, puis il est positif, il n'y a rien qui le dérange. Comment tu vois le restant des séries? Est-ce que tu dis, ah, regarde, là, ça va... parce que les gens disent, ça va casser. Moi, j'étais le premier, j'ai dit, du hockey de, écoute, les Knights de Vegas, c'est le hockey de série, c'est pas pareil. Comment tu vois ça, là? Ils vont affronter soit Winnipeg, soit Nashville. Penses-tu que le fait que ces deux équipes-là sont en guerre, c'est une guerre entre ces deux équipes-là, ils vont laisser beaucoup, beaucoup d'émotions. T'es joueur de hockey, Eric, tu sais de quoi je parle, là, quand on sort d'une série de même émotive. Penses-tu que ça peut favoriser les Knights? Je pense que oui, moi. Ben, moi, écoute, je vais le prendre. Tout le monde me demande la même question, hein. Ouais. Hey, qu'est-ce que t'en penses des Knights, tu sais, dans le... Ça va aider, en tout cas. Le monde dans l'Est, dans le fond, sais, il est tard le soir, c'est pas tout le monde qui peut regarder puis rester puis écouter les matchs. Moi, ce que je dis au monde, c'est la même chose. Au début, c'est sûr et certain, personne, on s'est dit ça au début tantôt, une couple de minutes, personne ne s'attendait à ça. Moi-même, mais n'importe qui, les joueurs eux autres même. Mais après 20 matchs, 30 matchs, puis tu vois tous les matchs, puis le monde s'attend à ce qu'il fait, comme tu dis, qu'il casse. Mais au bout de la ligne, ça fait 100 quelques matchs, là. Quand tu regardes tous les matchs, écoute, c'est pas un flou, ça, là. C'est une bonne équipe. Ils sont incroyables dans le filet. On vient de parler de Marc-André. Ils sont comme des robots. Les gars, ils jouent avec confiance. Ils jouent pour l'équipe. Il n'y a pas personne qui est là pour eux autres même. Tu sais, pour les statistiques personnelles. Tout le monde est là pour l'équipe. Tout le monde est en arrière d'une ville. Tu sais, dans le fond, qui a passé un moment difficile au début de la saison. Puis ça s'en va, puis tout le monde pense que ça va craquer. Moi, je peux te dire, ben franchement, je pense pas qu'ils vont craquer. Tu veux dire, ça va falloir que tu joues ton meilleur hockey pour les balles. Puis le monde dit, ouais, tu gagerais-tu pour eux autres? Moi, j'ai du temps même à faire. Je te dis pas qu'ils vont gagner à cause de cette année. J'ai dit ça avant la série éliminatoire. Mais je gagerais pas contre eux autres, par exemple. Ah, c'est le caractère. C'est pas ça du bon sens. Je te dis pas de gager pour eux autres, mais je gagerais pas contre eux autres. Éric, je veux te parler de Las Vegas. Quand l'année passée, à pareille date, on avait dit les Knights de Vegas, Gary Bettman est arrivé, c'était une priorité pour lui d'aller à Las Vegas avant que la NBA s'en vienne, avant qu'également que la NFL avec les Raiders, c'est dans 2020 qu'ils vont s'en aller. Les gens disaient, vous allez voir les Knights de Vegas, mais que les Raiders arrivent, vous allez, ça va être... Tout l'argent va aller aux Raiders. Penses-tu, dans le fond, comme première année, c'est une année incroyable, puis ça va aider, parce que quand les Raiders vont arriver, je sais pas si tu comprends. Oui, je comprends, c'est certain. Moi, ça fait 4 ans que je vis à Las Vegas. Je vais bien faire toi, c'est une belle ville, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de. Écoute, une couple de millions de personnes qui restent. L'argent. La strip, c'est la strip. Faut pas comparer le monde qui reste là. La septième personne reste sur la strip. Dans le fond, ça, c'est pour les. C'est ce qui fait vivre, dans le fond, vibrer la ville, là, dans le fond. Là, c'est le tourisme, tu sais, en anglais, comme le tourisme. Mais c'est une place qui est quand même belle à vivre. Puis il y a besoin de quelque chose comme ça. Puis les Raiders, c'est sûr, ça va arriver. Ça va être différent. C'est 8 dimanches par année. Tu sais, c'est pas une grosse affaire. Puis, je vais te dire, ben, franchement, le conte de fées qui vit en ce moment entre la ville, le monde des affaires de la ville, les partisans, ça va être quelque chose qui va être très difficile à casser. Ils vivent des moments, dans le fond, extraordinaires ensemble, puis personne, comme tu le dis, s'attendait à ça, mais personne ne s'attendait non plus à la tragédie, tu sais, qui est arrivée au mois de septembre, juste avant que ça commence. Alors, c'est quand même fou un petit peu, je vais être bien franc avec toi, mais c'est sûr que moi, en tant que Québécois, je vais être bien franc avec toi. Moi, je m'attendais au retour des Nordiques. J'étais sûr que les Nordiques allaient faire donner une franchise en même temps qu'à Las Vegas. C'est dans le fond, il y avait les deux équipes qui étaient aucun rapport un à l'autre. Là, je parle un dans l'Est, un dans l'Ouest. Mais moi, j'ai tout le temps pensé que les deux allaient rentrer en même temps. Écoute, c'est pas toi ou moi qui décide ça. Alors, ça, c'est Gary Bettman. Moi, j'ai tout le temps pensé qu'il y avait de la place pour les Nordiques, puis il y avait de la place pour un club dans l'Ouest, dans le fond, à Las Vegas, ça, c'est certain. Hey, Éric, t'es analyste à la télévision des Golden Knights. Les codes d'écoute, ça dit quoi? Moi, on m'avait dit que c'était plus diffusé dans le coin de Phoenix que Las Vegas. Est-ce que c'est vrai? Ben, je vais être bien franc, toi, tu sais, je connais pas trop ça, moi, les numéros pis tout, là, mais moi, ce que je me suis fait dire, c'est que dernièrement, là, surtout en série, c'est NBC qui ont la deuxième, troisième et quatrième ronde, on sait, aux États-Unis au complet, alors, nous autres, après que les matchs sont finis, on embarque, nous autres, en ce moment, comme je t'ai dit, c'est NBC qui ont les droits, là. Mais ils disent en ce moment, là, ce que j'ai lu cette semaine, mais pas lu, je pense que c'est fait dire, c'est que les codes d'écoute à NBC rivalaient les codes d'écoute de Sunday Night Football dans la NFL. OK, à Las Vegas. Alors, c'est vrai. À Las Vegas, je parle. À Las Vegas. Alors, c'est vraiment fou un petit peu, là. Et puis, c'est vraiment quelque chose de spécial. On se dit, il y a quelque chose dans l'air là qui se passe. Puis il va falloir que Winnipeg ou Nashville, là, c'est comme eux autres, c'est sûr que les Knights, les Golden Knights, ils espèrent que Nashville va gagner ce soir, puis ça s'en aille en 7. Ben oui. Comme tu dis, il faut qu'ils se fatiguent un peu plus un et l'autre. Alors, mais il va falloir qu'ils soient dans le meilleur match pour pouvoir battre les Golden Knights, ça c'est ça. Hey, dernière question, Eric. Penses-tu que c'est une jurisprudence? Les gens ont payé 500 millions pour avoir l'expansion, Bill Foley. Penses-tu que Seattle qui va rentrer, qui va payer 650 millions, va vouloir avoir des joueurs rejetés ou encore ça va ressembler à la crème de Vegas? Bah, écoute, si tu regardes, là, même au début, tu sais, à l'expansion, il y a un an, dans le fond, tu sais, au mois de juin, à Las Vegas, écoute, tout le monde, après ça, se disait, écoute, Vegas vont finir 31e. Okay. Tu sais, même après avoir choisi les joueurs, hein. Alors, c'est sûr que, faut que tu donnes crédit aux joueurs, faut que tu donnes crédit, au staff aussi des Golden Knights qui ont cru en ces joueurs-là. Puis, écoute, il y a le, George McPhee serait le premier, là. S'il sera au téléphone aujourd'hui, il te le dirait, là. S'attendre que William Carson score 45 buts cette année, il serait un menteur, on appellerait Pinocchio. Ouais. Mais il sait, puis il l'a dit bien souvent, il s'attendait pas à ça. Mais tu sais jamais, une opportunité dans la vie, c'est qu'est-ce que t'attends, mais c'est qu'est-ce que tu fais avec ça. Si tu regardes au football, dans le fond, Tom Brady, dans le temps, quand Drew Bledsoe était tombé au combat, right, il avait été blessé, mais c'est Tom Brady qui avait embarqué, puis après ça, mais écoute, ça fait quoi, là? Ça n'a pas loin de 20 ans qu'il... Ouais, premier... c'est 199e au total, je sais, c'est Tom Brady, c'est mon athlète favori. Eric, gros merci. Incroyable. J'aimerais ça t'en reparler, je sais pas si ce serait possible. Quand que ça va être le temps, parce que j'ai l'impression que Las Vegas est en feu, puis on va s'en reparler, puis c'est bien fun de t'avoir eu. Appelle-moi n'importe quand. L'analyse des matchs des Knights de Las Vegas, Eric Lacroix.